Voici votre bulletin régional. Lynn Maisonneuve, agent de développement de la municipalité de Newport, invite les citoyens à un pique-nique le 15 juillet à midi. Apportez votre pique-nique, vos breuvages, votre nappe à carreaux, votre bonne humeur et vos bonnes histoires. Ça se déroule au pavillon multifonctionnel à Allenbrook. Le 15 juillet est la journée compte-gouttes. Distinguez ses participants. Pour plus de détails, visitez pipe.reseauenvironnement.com/fr/journée compte-gouttes. L'équipe des fleurons du Québec visitera Skokstown le 15 juillet afin d'établir la classification horticole de la ville au niveau national.